Yeah, I got you. Let's get it. Wow, elle m'appelle. Tout de suite, je fais l'oseille. Je peux pas décrocher, donc je te rappelle. Je reviendrai te voir quand j'aurai fini ma quête. Pour l'instant, j'ai monnaie, monnaie, monnaie dans la tête. Aïe, t'inquiète, je gère. Aïe, wow, Roland. Je mène le jeu, c'est folant. Avec j'enlève son collant. Je remets les coups comme Roland. Aïe, baby, j'arrive ce soir, je te rejoins à la maison. Rien n'a changé, je suis toujours un mauvais garçon. Baby, babe, je sais qu'elle fera tout pour me voir. Danse pour moi, fais-moi ton défilé. Shake, shake, shake, shake, shake, shake. Hold on, ouais, ça c'est ma baby, babe. Je sais qu'elle fera tout pour me voir. Danse pour moi, fais-moi ton défilé. Shake, shake, shake, shake. Hold on, oh, hey, ma belle. Tout de suite je fais l'oseille, je peux pas décrocher, donc je t'en rappelle. Je reviendrai te voir quand j'aurai fini ma quête. Pour l'instant j'ai monnaie, monnaie, monnaie dans la tête. Hey, t'inquiète, je gère, hey. Alors, sous près du soleil, toujours dans le top, je fais les 4 saisons. Baby, ton homme sait tout faire, moi j'ai toujours raison. Le show est privé, c'est que pour mes yeux, t'as toute mon attention. Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake. Alors, d'espèce, on réduit la pièce. Je fais des manières de remplace. C'est dans les bons coins que je me place. Yes, hold on. Et sur les mots fun que pour des gros montants. Hold on. Si t'es la bonne, je te donnerai tout. Je prends du soleil, toujours dans le top. Je fais les 4 saisons. Baby, ton âme sait tout faire. Moi j'ai toujours raison. Le show est privé, c'est que pour mes yeux, t'as toute mon attention. Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake. Baby, baby, j'ai qu'elle fera tout pour me voir. Fais-moi ton défilé. Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake. Hold on, ouais, ça c'est ma baby, baby. J'ai qu'elle fera tout pour me voir. Dans ce moment, fais-moi ton défilé. Shake, shake, shake, shake, shake, shake. Boom, let's go. Voilà ma bambine. J'suis ton gars solide. Watch out. Voilà ma bambine. J'suis ton gars solide. Voilà ma bambine. Ton gars solide, si tu shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake. Voilà ma bambine, j'suis ton gars solide. Voilà ma bambine, j'suis ton gars solide. Voilà ma bambine, j'suis ton gars solide. Si tu shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake.